L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, bienvenue pour votre émission, l'apostrophe, l'émission de ce mois de janvier 2015. En studio, les invités Jean-Joël Le Chaplin, le directeur de l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, Jean-Pierre Plounre, artiste peintre, conseiller art plastique de la scène nationale, Elsa Jourdain, attachée aux relations publiques. Trois autres invités pour des interviews réalisées en préparation de cette émission, Talbet Alashmi, chorégraphe, conceptrice et interprète de Progéniture, Jean-Christophe Meurice, metteur en scène du collectif en résidence Les Chiens de Navarre, enfin Emmanuel Huyn, chorégraphe pour la création Tozaï. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Nous allons parler d'un spectacle qui va être à l'affiche à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise au mois de janvier, Progéniture, au pluriel, je dois préciser, avec la présentation de la première et deuxième pièce d'un triptyque. C'est de la danse, mais bien plus encore, on va découvrir cela avec la danseuse et chorégraphe Talbet Alashmi. Bonjour. Alors, expérience vocale, musicale et gestuelle à partir d'un texte de Pierre Guyotat qui occupe une place essentielle dans l'histoire de la littérature française moderne. Pourquoi avoir choisi ce texte et quelles sont les informations ou la présentation que vous pourriez nous faire de cet auteur français? La langue de Pierre Guyotat, particulièrement peut-être dans ce livre Progéniture, est une langue à lire et à prononcer très physique. C'est une écriture qui, avec beaucoup de consonnes, beaucoup d'arrêts de mots, beaucoup de prolongements de choses, il y a une sorte de physicalité qui s'installe très très vite. Qu'on le lit à haute voix, quand on le transmet sur scène, il y a toute une prise physique du corps entier quand on porte ces textes. C'est c'est un engagement mental évidemment aussi, mais physique je crois aussi pour à entendre. On n'est pas complètement tranquille, d'abord parce que évidemment c'est du français, donc on sait que c'est notre langue, et en même temps elle est réécrite, elle est revisitée, elle est retravaillée, donc il y a un trouble comme ça qui s'installe un peu. Il y a une partie évidemment qui nous échappe quand on entend, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément on n'est pas censé tout comprendre, d'ailleurs, c'est un texte poétique. Donc, moi, je le travaille vraiment comme une matière. Et bien évidemment, il y a un contenu, il y a un univers, il y a des événements, il y a des personnages. Et il y a tout un monde créé par Guyotat. Mais pour moi, quelque part, d'abord, c'est une matière poétique avec laquelle je peux moi m'exprimer. Alors, au-delà de la langue et surtout de ce que permet cette langue, effectivement, je ne sais pas si on peut parler d'une adaptation, d'une traduction, comment on adapte un tel texte pour le transformer en spectacle où il est question, effectivement, comme je le disais, d'expériences à la fois vocales, musicales et gestuelles. Je rappelle que vous êtes une danseuse chorégraphe. Alors, je ne sens pas que je l'adapte d'abord. Ce n'est pas une adaptation de ce texte pour la scène. C'est une. Je le porte, je le donne. Alors, je le donne avec le corps, évidemment avec la voix. C'est-à-dire, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la physicalité de ce texte. C'est que je trouve que, en tout cas moi qui viens de la danse au départ, je pense qu'il y a une musicalité très très grande dans le texte. C'est un texte qui est un peu, je ne sais pas comment dire, qui vient de tripes comme ça. C'est quelque chose un petit peu viscéral. Et donc la posture d'un danseur en portant ce texte dans l'espace, sur scène, à le projeter quand même, en projetant ce texte, bah pour moi, on est dans le carrefour éventuellement de cette, entre guillemets, enfin, discipline différente, c'est-à-dire la danse, les gestes, la voix. Quand je le fais moi-même, je le divise pas vraiment comme ça. C'est pour ce que j'essaye de faire, c'est d'être plus entière avec ce texte et du coup utiliser ce que je peux, tous les moyens, tout ce que je peux pour faire entendre, mais aussi faire voir ce texte. Et là, le geste rentre, là, l'importance de peut-être d'un corps qui est expérimenté dans la danse, sur scène. J'ai bien compris qu'il y a une dimension physique quand vous nous proposez ou quand vous proposez au public ce texte. Alors j'imagine que vous avez fait dans ce texte, vous le restituez intégralement ou vous avez fait des choix. Et pour nous aider effectivement aussi à comprendre, on a bien compris qu'il ne s'agit pas simplement d'un style d'écriture, mais que c'est les propos, le contenu, ce qui se transforme avec, comme vous l'avez décrit, avec une physicalité, c'est ça ? Oui, bien sûr que le contenu et comme je dis, l'univers me porte aussi, c'est pas seulement que m'emporte aussi. J'ai participé à une création de danse où j'ai rencontré Pierre Guyotta pour la première fois. Il était sur scène avec parmi les danseurs, à lire un texte. Et cette langue, sa voix aussi, qui était une voix magnifique, très, très, très posée, très basse, très ronde et en même temps pleine d'énergie et de comme je dis, des choses viscérales comme ça. Je l'entendais tous les soirs et je ne peux pas dire que j'étais envoûtée, mais pas loin. Il y a quelque chose de l'ordre de magie dans la façon, en tout cas, comme lui le porte. Souvent, il donne conseil d'ailleurs dans son livre de lire le texte à un rythme soutenu, c'est-à-dire une certaine rapidité. Et c'est vrai qu'au bout d'un temps, il y a quelque chose qui se passe sur l'esprit. J'entendais un monsieur qui s'évanouissait dans une loge en lisant ce texte. Donc il y a des réactions réellement physiques. Maintenant, pour la première partie de la question, non, le livre qui contient Progéniture, qui contient les deux parties, la première partie et la deuxième partie, on a une troisième qui n'est pas encore sortie, fait 800 pages. Donc c'est énorme, c'est un gros, gros pavé qui était écrit en 10 ans, durant 10 ans, l'écriture de ce livre. J'ai démarré par aux premières parties de Progéniture, donc le solo que j'ai joué donc en première en 2013. J'ai démarré par le début du livre, tout simplement, parce que je ne savais pas comment couper, comment intervenir dans un texte si dense, si important à mes yeux. Et donc j'ai démarré par le début. Et j'ai terminé la première partie, j'ai arrivé à un endroit dans le texte quand le solo s'est terminé. Voilà. Et pareil pour la deuxième partie. Donc j'enchaîne en fait dans l'écriture, je reprends le texte à l'endroit où je l'ai quitté. Et ça sera la même chose pour la troisième partie. À propos de Progéniture, vous avez dit les choses suivantes. Je trouve dans ce texte le monde avec ses beautés, ses couleurs, ses douleurs, sa cruauté. Là où je voulais en venir avec vous il y a quelques instants, c'est sur les sujets, les thèmes qu'il aborde dans son écriture. Je crois avoir lu qu'il est question de pulsions sexuelles, d'esclavagisme, de guerre. On se dit effectivement là, la thématique, les thèmes abordés, peut-être rendent encore plus particulier c'est la lecture qu'on peut en faire et surtout ensuite l'expression artistique que vous allez vous proposer sur scène. Les sujets me tiennent à cœur. D'ailleurs, dès que je démarre une création, comme je démarre même une pensée sur une prochaine création, ça doit être absolument un sujet d'urgence. Je ne peux pas... voilà, c'est un choix personnel et puis aussi c'est comme ça que je suis faite. Ce qui m'intéresse, c'est de parler du coup, quelque part, à des problématiques. Enfin, tout ce qui est... tout ce que j'ai envie de soit défendre, soit dénoncer. Mais la danse abstraite... si, il y a une part d'abstraction, évidemment. Il y a une part de poésie que je cherche. Mais il est absolument nécessaire pour moi que le sujet sera quelque chose de entre guillemets, brûlant. Que ce soit la femme, que ce soit les guerres, que ce soit... oui, là pour le texte, par rapport à tout l'abus dans la société, plus précisément ici l'esclavage. Voilà, comme dit l'auteur, je n'invente rien, tout existe. Je le montre, je l'indique, mais les rats existent, les guerres existent, tout existe. Voilà. Alors, Progéniture, une trame à la fois pour décrire une œuvre tragique, mais aussi comique à la fois. Ce n'est pas toujours simple de passer de l'un à l'autre. C'est la force de la poésie qui permet certainement cela. Je crois avoir lu aussi dans la présentation de ce spectacle qu'on y retrouve quelques éléments de la vanité. Et vous dites à ce propos que vous vous emparez de la langue, de la violence du monde. Ça résonne avec ce que vous venez de nous dire à l'instant. Vous pouvez décrire, il y a l'espace est nu ou il y a un espace scénique qui vous accompagne? Alors oui, dans la première partie, j'avais envie de travailler avec une structure sonore, une structure qui pourrait être sonorisée. Vous voulez que je le tienne? Une structure qui pourrait amplifier la voix et qui pourrait fabriquer elle-même des sons. Et j'ai choisi de travailler sur une structure, une scénographie qui est inspirée par l'œuvre Spider de l'araignée de Louise Bourgeois. Et oui, il y a un crâne, il y a un élément de la vanité parce que il s'agit quand même, en même temps, la place qu'il a, c'est, je le prends avec moi, je le monte dans la cage, je le monte sur la cage, c'est devenu comme une sorte de compagnon de route sur cette première partie de spectacle. C'est pas je le sens pas du tout effrayé. Parfois, bon, en approchant les choses qui nous effraient, on arrive à mieux les supporter. Dans ce volet-là, le duo, donc il y a, pour l'instant, on est encore en création actuellement, mais bon, la date va venir vite. Nous avons plusieurs micros sur pied, sur scène, et un dessin d'une diagonale. J'avais envie de serrer les propositions parce que espace vide et tout est possible. Donc assez vite, je voulais m'inscrire dans un espace plus dessiné. Donc on a choisi une diagonale que je descends tout au long de la pièce, que j'ai découpée en 10 morceaux qui sont... qui correspondent aux 10 lois, donc aux 10 commandements. Et chaque micro, il a une couleur, enfin une très légèrement un effet différent. Chaque micro va être une sorte de station, une sorte d'arrêt dans cette descente de diagonale, descente constante. Et voilà, c'est une sorte de dramaturgie pour moi, pour pouvoir découper le texte et l'inscrire dans l'espace aussi. Pour la deuxième partie, vous êtes accompagné, je crois, d'un musicien. Mathieu Desbordes, oui, qui est un batteur que je rencontre plutôt récemment. Je découvre un peu le duo voix-batterie que j'ai peut-être pas imaginé tout de suite au départ. Il y a quelque chose de où les consonnes du texte et les frappes de la batterie peuvent se rejoindre. Et en même temps, on peut partir sur un rythme qui est plutôt un peu souterrain, un peu une sorte de basse comme ça, qui est là tout le temps. Et voilà. Et puis, on travaille avec le même ingénieur son qui était là aux premières parties aussi, Jonathan Merlin, qui est là pour pas que gérer ce qui se passe sur scène, mais pour donner un peu, cette fois-ci, des choses qui viennent de l'extérieur de ce qui se passe sur scène. Je parlais d'expérience vocale, musicale et gestuelle. Je pense qu'on peut même rajouter, au travers de ce que vous venez d'en dire, que c'est aussi une expérience finalement organique, parce que là, on est dans les pulsions finalement de la vie. Et tout cela se traduit effectivement tant par les mots que par la musique, que par le geste. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le mot organique, d'ailleurs, elle revient très souvent. Que ça soit le cuir, que ça soit la peau, la matière, la manière de bouger, il y a quelque chose de assez presque, si je peux dire, archaïque, malgré une sorte de moment quand même de volonté de d'être aujourd'hui et là, et d'être dans une expressivité nouvelle. Mais il est vrai qu'il y a quelque chose qui part de très très loin, d'ailleurs de je ne sais pas où, c'est-à-dire d'une certaine origine, que je ne fais pas un travail anthropologique, mais il y a quelque chose dans le ressenti et dans l'approche qui est complètement, qui vient de l'intérieur du corps, donc de l'organique. C'est à voir, à découvrir les mercredis 21 janvier et jeudi 22 janvier à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre. Merci Talbet Alachmi. Merci à vous. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Emmanuel Luynes, vous êtes sur l'antenne de RGB pour nous parler d'un spectacle qui sera à l'affiche dans le cadre de Périphérique Art Mêlé, 11e édition donc à l'apostrophe Théâtre des Louvrais à Cergy-Pontoise. Le spectacle, il s'agit de Tozaï, est-ce que je le prononce bien d'abord? Alors vous pourriez le crier, genre Tozaï. Alors oui, avec un long cri bien étiré, c'est ça? Exactement, et qui s'en va dans la coulisse, hein, qui donne l'idée d'avoir commencé quelque part et de terminer ailleurs. Alors, effectivement, avec cette petite indication en préambule, on peut s'imaginer qu'on est au croisement du spectacle japonais et de la danse? Oui, enfin, c'est un cri qui est crié au Japon au début des pièces de Kabuki et parfois de Bunraku. Le Bunraku, c'est un théâtre de marionnettes. Théâtre japonais du 17e, c'est ça? Exactement. Donc, j'ai pas voulu faire un spectacle japonais, c'est juste que ce moment du cri qui dit attention, quelque chose va arriver, est un rituel absolument magnifique dans ce théâtre classique. Et à force de le voir et d'en être ému, pendant toutes ces années où j'ai beaucoup été au Japon pour diverses raisons, je me suis dit que j'aimais tellement ce moment qu'il fallait, parfois plus que ce qui se passait après, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec l'amour de ce moment pour moi-même, agir sur ce qu'on appelle la préparation, c'est sur ce qu'on vit comme une préparation, écouter, oyer, attention, quelque chose va arriver, quelque chose va venir. Et en vérité, Tozaï veut dire d'est en ouest, donc je suppose que ça fait référence à une sorte de harangue que le théâtre classe, pas, ancien où on arrivait dans les villages et on a harangué les gens pour qu'ils viennent se réunir pour voir quelque chose, comme dans le comme dans l'histoire du théâtre européen. Le oyé oyé, oui, c'est une forme d'appel, une forme de moment d'avant le spectacle, et ce moment d'avant le spectacle, vous en faites un spectacle à part entière. Tout à fait. En fait, Tozaï se concentre sur ce qu'il y a avant les choses, avant l'événement, sur ce qui prépare l'événement, pour en faire l'événement central. Alors la guéjure qui a été complexe au moment où je cherchais comment faire pour parler de l'avant, sans rentrer dans l'événement lui-même, tout en ne patinant pas pendant une heure sur ce qui est avant quelque chose. Comment développer alors qu'il faut rester dans l'avant? Oui. Et c'était intéressant comme défi. On s'est concentré aussi sur... Il y a une figure aussi dans l'art classique japonais qui s'appelle le Sambasso, qui est une figure centrale qui véritablement nettoie le plateau avant le spectacle. Souvent Bunraku, c'est pendant l'entrée publique, il y a une marionnette animée par deux jeunes justement dans l'école de Bunraku, des apprentis qui sont justement avant les professionnels en termes de temps et de chronologie de spectacle, en termes de formation. Et puis ils font exécuter à la marionnette une danse de Sambasso, à la marionnette Sambasso, une danse qui chasse les mauvais esprits et qui en amène... Qui permet au plateau de nouvelles opérations. Donc on a aussi beaucoup regardé la figure du costume du Sambasso, sa danse, il tape beaucoup au sol, il a un petit grelot en guise de semaille. Donc toutes ces figures qui nettoient et qui, comme le printemps ensuite, permettent de nouvelles choses. Donc il y a eu beaucoup de nourriture qui ont permis de ne pas patiner sur la question. Donc nous sommes tous Charlie, mais nous sommes tous aussi des Sambasso dans cette pièce qui devient une pièce d'ouverture. Qu'est-ce que c'est qu'ouvrir? Je pense que c'est une sorte aussi de réflexion sur ce qu'est le théâtre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vient vivre, à quoi se prépare-t-on? J'essaie de nous concentrer et de concentrer le spectateur sur le moment finalement... de l'ouverture du rideau, qu'est-ce que... Comme s'il s'agissait d'un rituel? Oui, c'est un rituel. Le spectacle vivant est un rituel. On vient tous dans les salles de spectacle pour chercher quelque chose, pour... Voilà, qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas d'ailleurs, mais on vient pour vivre quelque chose en communauté. Donc, je pense que c'est aussi... c'est pas un hommage, mais montrer à quel point ce qu'on vient... trouver est particulier, à quoi on vient se préparer pour être ensemble. On vient se préparer à un nouveau sens, à des émotions ensemble. Donc je crois que c'est une pièce aussi sur le théâtre lui-même. C'est une pièce chorégraphique donc pour 6 danseurs, je le précise pour nos auditeurs, et pour comprendre aussi l'esprit qui a prévalu à cette création, vous dites « le théâtre est une machine à voir ». Et le rideau, sa paupière. On voit bien effectivement l'importance de l'avant. Oui. Et c'est vraiment le rideau est le héros de cette pièce comme machine à séparer l'avant de l'après. Il y a l'écran rideau et puis quand celui-ci s'ouvre horizontalement ou tombe verticalement, la paupière, le battement de paupière a lieu. C'est-à-dire... la séquence, ce qui coupe dans le temps, ce qu'il y aura eu avant et après, voilà, ce qu'on vous fait apparaître. Donc, au Japon encore, enfin, ça provient du fait que j'ai vu des pièces où le rideau s'ouvre en 8 minutes. Et je me suis dit, ben voilà, moi j'ai envie de faire une pièce où, métaphoriquement, le rideau met une heure à s'ouvrir. Alors, c'est pas le cas, il se passe, on voit des choses tout de suite, mais le rideau est cet agent de nos... C'est comme si notre œil s'ouvrait à travers ce rideau. Je crois avoir lu même qu'il est question que cela se présente comme une forme d'effeuillage de rideau, c'est ça? Oui, tout à fait. Comme s'il fallait... le mouvement, en effet, de ce rituel japonais, c'est un premier rideau, un deuxième qui tombe, un horizontal. Voilà, le moment, finalement, qui me touchait tellement toutes ces années... c'était ce moment qui dure pas une heure, mais qui dure peut-être 5 minutes, mais c'est déjà beaucoup, où c'est une chorégraphie de couleurs et de matière et de lumière sur ces différents rideaux qui nous ouvrent sur la pièce elle-même. Donc, en effet, j'ai l'impression que j'effeuille le plateau. Oui. C'est un sujet que vous avez déjà, on va dire, visité, exploré avec votre première pièce il y a près d'une vingtaine d'années, Mua, c'est ça? Exactement. Oui, oui, à chaque fois, d'ailleurs, j'entends parler de Tozaï comme s'intéressant à l'avant des choses, plus spécifiquement au théâtre, bien sûr, et comme métaphore de machine à voir, je me rappelle, et je me rappelle d'autant plus parce que je danse encore Mua 20 ans après. À la pièce, je vais avoir à tel point que vous avez créé la compagnie Mua. Oui, c'est-à-dire que quand j'ai commencé par ce premier solo, je ne savais pas que je continuerais. Mais lors du deuxième opus qui a suivi Mua, qui est un solo dans le noir, je me suis dit, bon, voilà, ça m'a donné presque des règles de travail, ce solo. Et la compagnie, je dois rester d'une certaine façon fidèle à ce que j'ai trouvé dans le noir de Mua. Et donc Mua s'intéressait à l'avant des choses aussi, mais je crois que je l'ai à ce moment-là, enfin j'en suis sûre, c'était plus tourné sur l'avant de l'événement, l'avant d'une personne. En l'occurrence pour moi c'était moi, ma propre vie. Qu'est-ce qu'il y avait avant moi, d'où viens-je, et qu'est-ce que c'était aussi une réflexion sur la danse, qu'est-ce que c'est que l'événement dansé, qu'est-ce qu'il y a avant qu'on voit un corps, qu'est-ce qu'il y a avant que la lumière ne paraisse, qu'est-ce qu'il y a avant la musique. Donc c'est une pièce où musique, lumière et danse sont ramenées au curseur le plus proche de zéro. Je m'intéressais à ce qu'il y a entre zéro et quelque chose. Donc quand je m'entends parler de Tozaï comme s'intéressant à l'avant, et donc l'avant du spectacle ou l'avant du théâtre, je reconnais une filiation de pièces que je n'avais pas visée, que je n'avais pas anticipée. Et je pense qu'on voilà, on vit par cycle, ou peut-être qu'on s'obsède toute sa vie sur les mêmes questions, et on a des méandres qui nous détournent heureusement de nos obsessions, mais on y revient. Est-ce à dire, j'ai vu votre parcours, que les études de philosophie que vous avez suivies ont été d'un apport considérable dans votre travail de chorégraphe? Tout à fait, je pense qu'elles sont même indissociables. J'ai fait ces deux formations ensemble, et c'est très physique encore en moi le souvenir que j'ai de me dire, d'avoir l'intuition que c'était la même chose que je faisais. Alors, bon, c'était la même personne qui vivait les deux choses, mais j'avais très fortement l'impression de quand j'étais dans les cours de philo à Paris 1, d'avoir une sorte de trajet, de mouvement dans ma tête qui me donnait, en écoutant les cours ou en écrivant, qui me donnait juste envie de danser. Donc je me souviens que quand j'étais chez moi, je me levais, d'abord parce que c'était trop long de rester assis très longtemps à écrire, donc il fallait que je bouge, mais il fallait aussi que je danse quelque chose. Et l'inverse, et ben aussi, en dansant et en cherchant, j'avais vraiment l'impression de trouver, de penser philosophiquement en acte. D'ailleurs, c'est vraiment l'œuvre de Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, qui m'a accompagnée dans ce premier voyage au Vietnam, d'où j'ai fait Mua. J'avais l'impression que Maurice Merleau-Ponty décrivait le voyage, dans Le visible et l'invisible, décrivait le voyage que j'étais en train de vivre. Très, très, c'était très fort comme sentiment d'avoir l'impression d'être dans un carnet de bord en lisant ce livre de philo qui avait été écrit dans les années 50, et j'étais au Vietnam en 94. Donc oui, je pense que c'est indissociable pour moi le questionnement philosophique et le questionnement dansé qui sont des réponses autant que des questions d'ailleurs. Juste pour conclure, je voudrais préciser à nos auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, que vous avez dirigé le Centre National de Danse Contemporaine d'Angers pendant plusieurs années, je crois 2004-2012, c'est ça? Oui, c'est ça, pendant 9 ans. Oui. Comment vous pourriez, pour, on va dire, ceux et celles qui sont, on va dire, amateurs de pièces chorégraphiques, de danse, oui, de manière générale, comment se qualifier justement cette pièce sur le plan, on va dire, sur le plan artistique, sur le plan gestuel, sur le plan dansé? C'est vraiment une sorte de... Même si j'ai dit qu'on restait sur la question de l'avant,

L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Jean-Pierre Ploundre, une exposition à voir, à découvrir très prochainement, elle est même déjà en place, c'est ça, à l'apostrophe, coloré, Pierre Tual, sculpteur, il est l'un des principaux représentants en France, ai-je lu, de la sculpture en métal mis en forme, précision. Alors effectivement, l'exposition est déjà installée. Hein. Quand vous dites que Pierre Tual est un des représentants de cette sculpture en métal, c'est un peu vrai. C'est un artiste qui est né dans les années 40 et qui a déjà fait une belle carrière. Il a eu de nombreuses commandes publiques et j'ai trouvé intéressant de montrer son travail qui maintenant peut-être était un petit peu oublié dans une actualité de l'art contemporain où ce type de mise en forme du métal n'est pas forcément actuel. On peut dire qu'au fond, c'est un sculpteur assez classique, mais au lieu d'utiliser la sculpture du bois, du bronze, où lui, il est dans une tradition de l'assemblage du métal. Et au fond, il y a une description assez juste de son travail. C'est quelqu'un qui s'amuse avec du papier, mais au lieu de s'amuser avec du papier comme pourrait le faire un enfant, lui, il découpe du métal. Donc il se colle à une... Il se confronte plutôt à une matière qui est difficile à façonner. Et vous avez même écrit à son propos, ou à propos de son travail, l'intention première de l'artiste, vouloir offrir à notre regard et à notre esprit une forme qui lui est propre dans ce jeu de la torsion de l'espace et des mots. Voilà, parce que au fond, quand j'ai écrit ce petit texte dont vous faites une extraction de phrase, comme ça je me suis dit que le travail de Pierre Tual, moi ça me faisait penser un petit peu à des mises en volume de formules mathématiques. Et le fait aussi de jouer avec les mots, c'est que Pierre Tual choisit les titres de ses sculptures au hasard. Pour être plus juste, je dirais que Pierre Tual, ce n'est pas forcément un intellectuel. C'est quelqu'un qui se confronte à une matière et qui a gardé une âme d'enfant pour faire de la sculpture. Et il y avait dans cette pratique-là une certaine spontanéité qui est assez étonnante et puis qui peut être en contradiction avec le fait qu'il faut se confronter à une matière qui est difficile à façonner parce que tordre du métal, c'est pas à la portée de n'importe qui. Et je crois que quand il fait des grandes sculptures, par exemple, et là je retrouve un peu quelque chose du jeu, il utilise des tracteurs pour tordre son métal. Il a une grande... dans son champ, il met tout un dispositif et il tire les plaques de métal avec son tracteur. Ouais. Eh bien, exposition colorée, c'est le titre de cette exposition de Pierre Tual, ce sculpteur à découvrir jusqu'au 21 mars. Avant cela, d'ici bien très prochainement, c'est cette semaine, rencontre avec l'artiste le vendredi 16 janvier à 18h30. Il sera donc bien présent. Bien sûr, il sera présent. Il répondra volontiers aux questions des spectateurs. Oui, c'est d'ailleurs même là le vernissage. Traditionnel, n'est-ce pas, d'une exposition, c'est puisque l'exposition est en effet installée depuis quelques jours, mais son ouverture effective, c'est en effet à partir de demain. Exposition et inauguration, ce qui permettra de découvrir la nouvelle exposition de photographie sur la façade du Théâtre des Louvrets, 3A, Territoire de Liberté, exposition de Christine Picou, ou photographie de Christine Picou, des visages d'artistes, je crois, qui... Oui, qui résonne avec ça n'est pas, le théâtre. À proprement parler, une exposition, bien qu'en effet, ce sont des œuvres, des créations, des œuvres d'aujourd'hui réalisées par notre ancienne collaboratrice Christine Picou, qui est photographe, et qui prend place sur les vitres du hall du Théâtre des Louvrets. Depuis plusieurs années, nous portons dans cet endroit à voir... des éléments iconographiques qui ont des échos à ce qui se passe à l'intérieur du théâtre. Alors on a fait plusieurs actions en lien avec des expositions que l'on menait à l'intérieur, notamment des projets menés sur le plan des quartiers avec les habitants. Et puis, on a aussi présenté un certain nombre d'artistes avec lesquels les projets sur le long terme, notamment les artistes en résidence, méritaient d'être à notre avis portés sur cet endroit et puis de porter les connaissances du public. Et nous avons demandé cette fois-ci à Christine de réfléchir à une mise en image autour des trois artistes en résidence que nous avons au théâtre et aussi des ambiances que cela lui inspire. Donc c'est quelque chose qui est assez impressionniste et elle sera là pour répondre sur la manière dont elle a travaillé là-dessus avec ces personnes pour réaliser ce projet. Jean-Joël Le Chapelain, vous avez la parole, évidemment. Vous coproduisez cette émission avec votre radio locale RGB, ici à Cergy-Pontoise. En ce début d'année 2015, il y a effectivement, c'est souvent la période des vœux, même si cette année, les actualités ont bouleversé ces temps de début d'année. Cependant, quelle projection, quelle vision avez-vous sur la culture en France et ici à Cergy-Pontoise à l'orée de cette année, de cette nouvelle année? J'ai souvenir, nous avons souvenir qu'il y a eu une journée nationale de mobilisation le 1er octobre dernier, une rentrée sous haute tension, comme on a pu le lire en septembre, de tous les acteurs des politiques de la culture, une manière de vouloir alerter le gouvernement. Il y a eu ensuite l'appel solennel des artistes le 10 décembre dernier au Théâtre de la Colline pour engager ensemble une nouvelle ère d'espoir et de confiance dans l'art et la culture. Alors, la culture serait-elle malmenée et risque-t-elle, en cette période de crise et pour cette nouvelle année, d'être encore plus malmenée? Ça, je ne peux pas répondre à la deuxième partie de la question. J'espère qu'elle ne sera pas davantage, mais les faits sont cruels, puisque, en fait, ce que nous vivons depuis une semaine dans ce pays, autour de... des événements liés aux attentats à Charlie Hebdo et dans un supermarché cachère à Vincennes, et cette grande journée de mobilisation du 11 janvier où plusieurs millions de personnes viennent exposer leur rejet de ces atteintes aux libertés, et peut-être que cette manifestation a une signification plus profonde, peut-être aux historiens et sociologues de l'écrire, mais en tout cas, je dis que les faits sont cruels parce que, en effet, cela semble bien poser la question de la culture de nos concitoyens, de la culture, de l'éducation, et sur des bases et des valeurs que porte le théâtre public depuis sa création, depuis toujours. Et ces valeurs sont autour de la laïcité, autour de la tolérance, autour de la multiplication des possibilités de culture pour nos citoyens. Alors, nous avons d'autant plus de facilité, si je puis dire, à le rappeler, que nous n'existons que par la volonté des pouvoirs politiques qui ont pensé important de créer ces maisons, comme on les appelle vulgairement, ces maisons qui sont des théâtres publics, qui sont des scènes nationales, des centres dramatiques, des compagnies qui sont soutenues par la puissance publique, pour développer l'art et la culture dans ce pays en direction de toutes les populations de proximité et bien sûr bien au-delà. Et donc, dans ce contexte, nous sommes évidemment depuis plusieurs années en combat, il faut bien le dire, avec le pouvoir politique qui, pris par des considérations fortes sur le plan économique, est amené à prendre des décisions. Et on ne saurait lui reprocher de prendre des décisions. En revanche, on se pose des questions quelquefois sur les choix qui peuvent être faits lorsque ces choix visent à réduire les moyens qui sont consacrés à l'art et la culture. Et donc c'est ce combat qui avait été engagé et qui est engagé depuis plusieurs années et qui nous permet de rappeler au ministre de la Culture, mais aussi au ministre de l'Éducation, sur un autre registre qui est celui de l'action culturelle, que finalement, pour que nous remplissions bien notre mission, eh bien, il faut que les moyens soient au rendez-vous. Et quand je dis que les moyens sont au rendez-vous, la profession est remplie et composée de d'hommes et de femmes responsables. Il ne s'agit pas de considérer que la culture devrait rouler sur l'or, alors même que l'ensemble du pays doit faire des efforts. Mais c'est plutôt qu'il y a un seuil en deçà duquel l'action devient très difficile, et l'action liée à la mission. Hein, ça n'est pas simplement de faire des spectacles pour faire des spectacles qui est intéressant. C'est le rôle que peuvent jouer les créateurs dans un pays qui est important. Donc nous avons alerté, nous alertons collectivement les pouvoirs publics sur le danger qu'il y aurait à descendre encore trop profondément dans les réductions de budget. Et quand on voit la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui nationalement, on voit que dans plein d'endroits... en Île-de-France, mais aussi en Normandie, en Languedoc-Roussillon, en PACA, en Isère, en Côte d'Armor, etc., dans plein d'endroits en France, les collectivités publiques sont amenées à réduire fortement les budgets culture. Et c'est dans cet esprit-là que, à l'appel du Syndéac, le 10 décembre dernier, plus de 500 directeurs de théâtre et d'institutions publiques se sont rassemblés pour faire un appel, lancer un appel à la ministère de la Culture, principalement, pour l'alerter sur cette situation, que par ailleurs le pouvoir, évidemment, connaît très bien, sans pour autant pouvoir peut-être trouver des réponses qui satisfassent tout le monde. Et donc je crois que nous avons été collectivement entendus, et que, évidemment, nous espérons que le budget 2015... du ministère de la Culture, qui lui-même est en très légère progression, il faut le reconnaître, mais compte tenu des réductions qui ont eu lieu les années précédentes, ça ne remet pas au même niveau le financement de ce ministère. Et comme le ministère de la Culture n'est pas le seul à financer la culture, les collectivités locales elles-mêmes sont dans une situation extrêmement difficile, puisque les dotations globales de fonctionnement qui sont versées par l'État sont en baisse considérable, ce qui fait que les collectivités locales doivent faire également des choix budgétaires. Et il se trouve qu'elles sont amenées, quelquefois vraiment à leur corps défendant, à devoir réduire les budgets culture parce qu'elles ne voient pas d'autres choix. Donc ce panorama est évidemment assez triste et inquiétant. Hein. Et en même temps, il ne s'agit pas d'attaquer le pouvoir politique en disant que nous devrions avoir ceci et cela, mais bien d'alerter sur le rôle qui est le nôtre. Comme veilleurs d'institutions publiques, il nous semble de notre devoir d'alerter et de dire simplement qu'il peut y avoir danger. Et en effet, l'actualité telle qu'elle se présente ces jours-ci laisse bien entrevoir que peut-être il faudrait davantage investir sur l'éducation, la culture, dans tous les territoires de ce pays, pour accentuer des prises de conscience plus fortes sur la question notamment de la laïcité. On voit bien que cette notion liée à la laïcité mal perçue ou pas forcément totalement bien comprise par beaucoup de nos concitoyens. Et la laïcité, c'est la liberté. C'est la liberté pour chacun de faire ce qu'il veut à partir du moment où il n'empiète pas le territoire des autres. Hein, c'est la définition même de la liberté que nous avons apprise à l'école communale il y a fort longtemps, mais qui paraît devoir une définition universelle. Et donc cette dimension de la laïcité, elle est véhiculée par tout ce que portent les artistes dans la différence des projets qu'ils mènent et qu'ils proposent, et qui quelquefois suscitent d'ailleurs des réactions fortes de la part des spectateurs, au sens où ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, ils discutent, ils critiquent, et ils rencontrent les porteurs de ces projets. Donc les vœux qu'on pourrait faire pour cette année de 2015, en effet, seraient que tous ces éléments qui sont dans la marmite un petit peu de la société aujourd'hui puissent s'éclairer un peu, et que l'art et la culture puissent être, j'allais dire, bénéficiaires. Le mot n'est peut-être pas heureux, mais enfin, en tout cas, puissent être continuer d'être portés fortement par l'ensemble de la société française, et commencer par ceux qui sont chargés de décider, c'est-à-dire nos dirigeants, les élus de tous les niveaux de décision en France. Eh bien, il nous faudra rester attentif, voire vigilant sur ces sujets. Effectivement, ce qui fait société, eh bien, c'est la culture, les arts prennent également leur part pleine et entière. Ainsi s'achève notre émission de ce mois de janvier 2015. Pour toute information et pour toute réservation concernant les spectacles qui vous ont été présentés au cours de cette émission, je vous invite à composer le 01 34 20 14 14, le 01 34 20 14 14, ou sur le site internet au www.l'apostrophe.net. Remerciements à l'ensemble de nos invités. Remerciements, comme je le fais à chaque émission, à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission. Et remerciements également à Damien Gissard pour la réalisation technique. Cette émission animée par votre serviteur et animateur José Guérin sera rediffusée samedi 17 janvier de 9h à 10h du matin. Sur le 99.2 FM sur RGB et sur internet au www.radio-rgb.net. Notre prochain rendez-vous avec l'apostrophe l'émission est programmé pour le mercredi 11 février de 19 à 20h. Au plaisir de vous retrouver à l'apostrophe de Sergi Pontoise et sur RGB. En ce début d'année, nous vous souhaitons tous nos meilleurs voeux pour 2015. En partageant tous, comme il a été dit, l'idée que l'art et la culture, symboles de liberté, sont d'extraordinaires remparts à la barbarie, au fanatisme, à l'intolérance et à l'ignorance. Bonne année à tous. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'Apostrophe, scène nationale de Sergi Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.